À propos de l'ouverture du grand rassemblement de toute la nation pour la réunification à l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la Corée, le comité préparatoire du Nord pour la conférence conjointe des organisations politiques et sociales et des personnalités du Nord, du Sud et de la diaspora en faveur de la paix et de la réunification indépendante de la péninsule coréenne a décidé d'envoyer une lettre ouverte aux autorités, organisations politiques et sociales et personnalités de la Corée du Sud et d'outre-mer. Les destinataires sont les autorités sud-coréennes comme le chef des bureaux de la Maison Bleue, le Premier ministre, les ministres et vice-ministres, les intéressés du Parlement sud-coréen comme le président de l'Assemblée nationale Chung Se-kyun et les vice-présidents Park Joo-sun et Sim Jae-chol, les personnalités importantes du Parti démocrate Thoburo, du Parti pour un nouveau monde, du Parti du peuple et du Parti juste, le vice-président en chef du Conseil consultatif pour la démocratie, la paix et l'unification, le président de la Société de la Croix-Rouge sud-coréenne, les chefs des organisations autonomes locales sud-coréennes, le Comité du Sud pour l'application de la Déclaration commune du 15 juin et d'autres organisations du mouvement réunificateur, formations religieuses, civiles et sociales, organisations de coopération sociale, culturelle et économique, une centaine de personnalités en vue, y compris ceux ayant rapport avec la rencontre de Pyongyang, comme Lee Hee-hong, Lim Dong-won, Park Ji-won, Chung Se-hyun, Chung Dong-yong, Lee Jong-so, Lee Jae-jong, organisations et personnalités coréennes à l'étranger. Voici la lettre ouverte. Lettre ouverte à l'adresse des autorités, organisations politiques et sociales et personnalités de Corée du Sud et d'outre-mer. L'ardeur de nos compatriotes pour la paix et la réunification de la péninsule coréenne et l'amélioration des relations Nord-Sud monte plus que jamais et la cause de réunification indépendante de notre nation entre dans une nouvelle phase de tournant. Traduisons la demande nationale inévitable et l'aspiration ardente de tous les Coréens pour la réunification. La conférence conjointe des gouvernements, organisations politiques et sociales de notre République a proposé le 9 juin de tenir un rendez-vous important pan-national pour la réunification à l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la patrie et comme une mesure pratique est mis sur pied le comité préparatoire du Nord. Partant du noble vœu d'inaugurer audacieusement une nouvelle histoire de la réunification indépendante à laquelle aspire ardemment toute la nation coréenne sous la bannière de l'indépendance et de la grande unité nationale, le comité préparatoire du Nord adresse cette lettre aux autorités, organisations politiques et sociales et personnalités de Corée du Sud et d'outre-mer. Comme le monde l'a reconnu à l'unisson, la ligne et l'orientation en matière de réunification du pays nouvellement avancée par l'historique 7e congrès du Parti du Travail de Corée sont marquées de la foi et de la volonté immuable de mettre un terme à la division du pays de plus de 70 ans et d'ouvrir une nouvelle ère de la réunification et de la prospérité où brilleront la dignité et l'honneur de notre nation. Aujourd'hui, où le drame de la division nationale s'aggrave plus que jamais, tous ceux qui sont conscients de la valeur sans prix du sort et de l'avenir de la nation sont appelés à accepter nos initiatives et projets sérieux et audacieux pour faire disparaître l'état critique de la confrontation fratricide, réaliser la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et ouvrir la voie à la réunification de la patrie en toute indépendance et par la force unie de la nation. Voilà notre volonté immuable. Nous réaffirmons que nous sommes prêts à négocier franchement avec n'importe qui, sans égard à l'opinion politique, à la croyance et au point de vue, s'il s'agit de l'amélioration des rapports Nord-Sud et du règlement du problème de la réunification. Toute personne qui s'était hier opposée à la réunification peut prendre un nouveau départ de compagnon de la réunification si elle a la moindre conscience nationale. C'est notre position invariable. Nul n'aura aucun prétexte de refuser notre proposition s'il s'inquiète vraiment du sort du pays et veut sa réunification, comme les communistes et nationalistes du Nord et du Sud qui ont partagé les opinions après la libération nationale en vue de prévenir la division nationale par les forces extérieures et comme les autorités et autres couches du Nord et du Sud qui ont frayé l'époque du 15 juin de la collaboration et de l'unité en vue du règlement du problème de la réunification. Nous proposons de tenir à Pyongyang ou à Kaesong un grand rendez-vous national des autorités du Nord et du Sud, des organisations politiques et sociales et des personnalités du pays et de la diaspora, à l'occasion du 15 août prochain marquant le 71e anniversaire de la libération de la patrie, et l'appellation de la réunion sera la conférence conjointe des organisations politiques et sociales et personnalités du Nord, du Sud et de la diaspora pour la paix et la réunification indépendante de la péninsule coréenne. Si le côté sud propose des opinions constructives au sujet de la conférence pour la date, le lieu, les participants et les thèmes à débattre, nous sommes disposés à les examiner sincèrement avant de les accepter. Dans l'immédiat, convaincus qu'il est urgent de mettre sur pied, suivant les régions, les comités préparatoires pratiquement chargés de la tenue de la conférence et, sur cette base, de fonder un comité préparatoire commun pan-national, nous espérons que les côtés sud et d'outre-mer se mettent en œuvre dans les meilleurs délais. Nous proposons de prendre un contact de travail au courant de juillet prochain et dans un lieu convenu pour la formation du dit comité regroupant les délégués du Nord, du Sud et de la diaspora. La communauté internationale observe de près le pas de notre nation et le courant de la situation de la péninsule coréenne entrée dans une nouvelle phase de tournant. Nous devons tous connaître que si nous restons indécis aujourd'hui, nous ne pourrons jamais le récompenser demain, même avec des efforts redoublés, et les malheurs et souffrances augmenteront dans le cœur de notre nation. Nous exprimons notre attente et certitude que les autorités, organisations politiques et sociales et personnalités de renom de Corée du Sud et d'outre-mer seront profondément conscients de leurs obligations devant l'époque et la nation dans l'actuelle situation importante et répondront positivement à nos propositions et mesures sincères. Veuillez agréer nos vœux fraternels. Comité préparatoire du Nord pour la conférence conjointe des organisations politiques et sociales et personnalités du Nord, du Sud et de la diaspora en faveur de la paix et de la réunification indépendante de la péninsule coréenne. Pyongyang, le 27 juin de l'an 105 du Juche 2016.